J'ai rêvé de tant de choses, que demain soit meilleur qu'hier, moins pire qu'aujourd'hui, à la hauteur de mes prières. J'étais pleine de rêves, avec tant de doutes, mais peu de haine. Mais tout a basculé quand j'ai su que j'étais condamnée. Je suis des rares personnes qui connaissent leur date de fin. Désormais, je suis comme une prisonnière dans le couloir de la mort. Je veux avoir une dernière chance. Personne au monde ne choisit sa vie. J'avoue que la nuit, mes larmes, moi, mes joues. Quand je repense à ta maladie. Mais à travers cette alliance, moi je t'ai promis ma présence. Et ça pour le meilleur et pour le pire. Mon bonheur est un empire dans telle arène où ton sourire a imposé son règne. Mais depuis, ma couronne en or vire au gris. Je perds mon trône quand tu me dis de refaire ma vie. Tu sais, on dit toujours que les meilleurs partent les premiers. Moi je déteste cette phrase. Quand je te regarde, je me dis qu'elle est trop vraie. Y'a tellement de choses qu'on n'a pas fait ensemble. À peine le temps d'écrapoter que nos projets sont déjà en cendres. Ces rêves de te voir enceinte sont mornés. Je suis papa avec toi ou rien, tu me connais, je suis borné. Donc cesse de me dire pardon. Tant qu'il nous reste des secondes à vivre, on les vivra à fond. Mais bébé, je veux pas te voir souffrir. Non, t'inquiète pas pour moi, je suis bien qu'avec toi. En tout cas, je m'occuperai de toi jusqu'au jour où Gabriel de ses ailes viendra te recouvrir. Mais j'ai peur de partir loin de toi. Pourtant,